Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigor, éditeur, 1913. Sur quelques circonstances qui suivent la mort, par forme de contemplation et de considération. Oraison préparatoire, la même qu'à l'ordinaire. Premier prélude. Je me représenterai sur son lit funèbre un homme qui vient de rendre le dernier soupir, et je demanderai à la mort des leçons. Second prélude. Je demanderai à Dieu la grâce de comprendre vivement, à la vue de ses restes inanimés, la vérité de ses paroles de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, et tout est vanité. 1, 2, or aimer Dieu et le servir lui seul. Premier point, circonstances qui suivent immédiatement la mort. Je rends le dernier soupir, me voilà pâle, immobile, insensible. À l'instant même je deviens un objet d'horreur pour tous ceux qui m'entourent. On me couvre le visage d'un voile, et mes proches eux-mêmes me fuient. Ma garde est confiée à des mains étrangères. Ce sont elles qui m'enveloppent d'un suaire. Tant que ma dépouille mortelle sera dans la maison, il y régnera une sorte de stupeur. On regarde comme un devoir de piété l'empressement que l'on témoigne à me faire transporter à ma dernière demeure. Qu'est-ce donc que la santé? Que sont les amitiés du monde? Que sont les jouissances des sens? Tout, absolument tout, est vanité. La considération de ces premières circonstances me fera prendre deux résolutions. Premièrement, combattre cet amour déréglé des plaisirs sensuels qui ont donné tant de fois la mort à mon âme, et que Saint Jean appelle la concupiscence de la chair, car ceux qui suivent les mouvements de la sensualité souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Deuxièmement, pratiquer la mortification chrétienne en privant mes sens de plusieurs choses permises, et en ne leur accordant qu'avec modération celles qui sont nécessaires, portant toujours dans mon corps la mortification de Jésus, afin que la vie de Jésus paraisse aussi dans ce corps. Corinthiens 4, 10. Second point, le lendemain de la mort. À l'heure marquée, le cortège funèbre m'accompagne au pied des autels. On s'avance dans le silence et le recueillement. Quelques-uns me pleurent, mais si l'on descendait au fond des cœurs, on reconnaîtrait peut-être qu'il y a plus d'apparence que de sincérité dans les regrets. Les prêtres commencent les prières de l'Église, « Seigneur, donnez-lui le repos éternel, et que le jour qui n'a pas de déclin brille à ses yeux. » Mais avant le jour de la lumière et du repos, il faut passer par la nuit de l'expiation et des souffrances, et, selon les paroles de l'Église, par le jour de la colère. Il faut passer par ce jour de calamité, d'amertume et de misère. Enfin, que les âmes des fidèles, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. C'est le souhait suprême du ministre de Jésus-Christ en terminant le sacrifice. Il le répète une dernière fois sur ma tombe, puis elle se ferme pour ne s'ouvrir qu'au grand jour qui fermera le temps et ouvrira l'éternité. Que me sera-t-il permis d'emporter de mes biens, de mes richesses en sortant de ce monde? Quand j'aurai été le plus grand potentat de la terre, il ne me restera en ce dernier jour, comme aux pauvres, qu'un linceul et un tombeau. Donc, premièrement, détachement des biens de ce monde, déraciner de mon cœur cet amour des richesses que l'apôtre Saint Jean nomme la concupiscence des yeux, car Jésus-Christ a dit, « Malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation sur la terre. » Luc 6, 24. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient étonnés de ce discours, mais Jésus leur dit de nouveau, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui mettent leur confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, 23 à 25. Deuxièmement, amour de la pauvreté, c'est la première des béatitudes, bienheureux les pauvres d'esprit, qui sont dégagés de toute affection pour les biens passagers, parce que le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Heureuse pauvreté qui nous assure dès ce monde la possession éternelle de tous les biens du ciel. J'entrerai dans le sentiment du grand apôtre. Ayant de quoi nous nourrir et nous vêtir, nous devons être contents, parce que ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans les pièges du démon, et en beaucoup de désirs inutiles et pernicieux qui précipitent les hommes dans l'abîme de la perdition et de la damnation, car l'amour des richesses est la racine de tous les maux. Timothée 6, 8 à 10. Troisième point, quelque temps après la mort. Les hommes n'ont plus de moi qu'un bien faible souvenir, s'ils ne m'ont entièrement oublié, ils se sont habitués à se passer de moi. Je suis remplacé dans les postes que j'occupais, dans les emplois que j'exerçais. Toutefois, ce n'est là qu'un côté du tableau, et le plus supportable, l'autre est justement dérobé au regard des vivants. Fils de l'homme, soulève cette pierre tumulaire, creuse la terre. Ézéchiel 8, 8. Hideux spectacle, ma tombe ne renferme, plus que des membres qui se désunissent, que des chairs en putréfaction et fourmillant de ver, que des ossements nageant dans la corruption. Voilà ce qui reste d'un corps auquel j'ai sacrifié si souvent les intérêts de mon âme, un je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue, et dont on ne peut occuper plus longtemps sa pensée sans horreur. Tertullien, de la résurrection de la chair, 4. Vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce donc que la mort? Qu'est-ce donc qu'un tombeau? L'orgueil convaincu de folie, renseignement le plus efficace de mon néant. Oh, qu'il sied bien à la poussière de s'enorgueillir. Donc, humilie-toi sous la main puissante de Dieu. 1 Pierre 5, 6. Toutes ces menaces sont contre les orgueilleux, toutes ces promesses pour les humbles. Dieu résiste aux superbes, et il donne sa grâce aux humbles. Jacob 4, 6. Il dépose les puissants, et il exalte les humbles. Luc 1, 52. Il regarde avec complaisance ce qui est bas et humble, et il ne voit que de loin et avec horreur ce qui est élevé. Psaume 138. Du reste, ces bas sentiments de nous-mêmes sont tellement conformes à la raison, qu'ils sont nécessaires à notre bonheur. Le superbe et l'avare, dit un pieux auteur, n'ont jamais de repos, mais le pauvre et l'humble vivent dans l'abondance de la paix. Imitation livre 1, chapitre 6, numéro 1. Colloque. Demandez à Dieu qu'il daigne par sa grâce détacher mon cœur de l'amour des choses visibles, et le porter tout entier vers les invisibles, car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Imitation livre 1, chapitre 1, numéro 5. Pater, Ave. Nota. Après cette méditation, on lira très utilement dans l'Imitation de Jésus-Christ les numéros 4 et 5 du premier chapitre du premier livre, ainsi que le chapitre 23 tout entier. markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.